Éternel, ne me châtie pas dans ta fureur, ne me punis pas dans ta colère ardente, car tes flèches se sont abattues sur moi. Ta main pèse sur moi constamment. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère. Mes os sont sans repos à cause de mon péché amer. Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elle m'accable. Je suis courbé, très abattu. Tout le jour je marche dans la tristesse accable. Seigneur, tout mon désir est devant toi. Mon soupir ne t'est pas caché. Ô Dieu de mon bonheur.